avec Matou Samuel. Onze ans, bonne année de Boyou. Bonne année de Boyou. La maman est à Bissot. La boca à la Congo. Tout le monde s'est gagné à notre amour. Donc, je vais manger, boy. Je ne sais pas si je n'ai pas insulté. Il y a un peu de monnaie par la Yesu. Attends, je vais couler la souka. Lucan, c'est là. Parce que je vais vous donner la bonne pour vous. Il y a un peu de monnaie par la Yesu. Il y a un peu de monnaie. Il y a un problème au consommateur. Tant que je vais manger moins pour pousser dans les pour la ligne, il y a un peu de monnaie. Il y a un peu de monnaie pour vous. Nami Tunisame. Pour la ligne, boy. Les malheurs atteignent souvent les juifs, mais l'éternel la délivre toujours. Nami Tunisame, Pona Lili Boye, Pona Lili Boye, Pona Lili Boye, Nama Boye Nanga, Minyoke Uti Wapi, Papase Uti Wapi, Kupe Uti Wapi, Nama Kako Boye, Minyoke Uti Wapi, Papa se uti wapi, kere uti wapi. Jésus, yo es ce que vous avez dit dans la combattre. Yo es ce que vous avez dit dans la combattre. Yo ne qui mène la vie, yo. Yo ne l'envers la vie, yo. Toi, il faut se la yo, yo. En sous sa salité, yo. Oh, ça va. Yo, pourquoi l'homme, mon côté, où t'es pas, yo. Mais ça peut m'accorder la boca la vie sur ma yelle. Y'a qu'on t'en pousse en boca. Y'a qu'on tient qui m'a gâté la boca, yawe. Comme le yon de coqui, yawe. Comme le yon de sou qui m'a la bouille, yawe. Jésus. Même la maman est la vie sur. Oh, le mal de maman est pas la yawe. Le mal de la boca la vie sur le maman. Pour te juste au colombe de coqui sapa. Y'a zali colo et biyano. Y'a zali longa la vie sur. Et il y a un congo qui n'est pas Yahweh. Mais il y a un congo qui est en train de se faire. Jésus. Il y a un problème qui est en train de se faire. Il y a un ami qui est en train de se faire. Jésus. Jésus. Jésus. Nami Tunisame, Pona Lili Boye, Pona Lili Boye, Pona Lili Boye, Nama Boye Nana, Minyokwe Uti Wapi, Papase Uti Wapi, Kupe Uti Wapi, Nama Kako Boye, Minyokwe Uti Wapi, Papase Uti Wapi, Kere uti wapie. Ozambe, yone maboni zina biso na kawa na pesi. Papa ngayi, ngayi, ngayi na mele, ngayi na pusa, solwe paina yo. Jesus! sana nzambe obote na bona libota na bana nzambe liboso bye bye ko ya bye suteli sabango bye bye na pour matin mo liboso na bino yo bonde na bona tira bango oh ya we so ki otela liboso si ya we jesus papa ngai na ye ngai na mele ngai na kosa solo e pai na yo papa ngai papa ngai na mele papa ngai na kosa solo e pai na yo io pensa ku ya io pensa ma kasi elonga na ya we dika wala ngai io pensa ku ya io pensa ma kasi elonga na ya we dika wala ngai oh yesu libote ye pai na yo ya we libote ye pai na yo ya we sokote na libosu sura poko we oh yesu ya we yo de loka yo de makasi na biso ya we toko kibela wa biso ki otiki biso ya we yo de kibela na biso ya we yo de baba mela na biso ya we jesu jalana na otika ngaite ya we jalana kowaka ngaite jalana otika ngaite Kutika ngaite yawe, jalana, kumata ngaite, jalana, kutika ngaite, jalana, oh yawe, jalana. Kibula maboko na yo Yahweh. Manyema na maboko na yo Yahweh. Lubumbashi na maboko na yo Yahweh. Lubumbashi na maboko na yo Yahweh. Meko mama mi maboko na yo. Kwete elonga Yahweh. Jesus. Jesus. Na telemi. Liboso ya maboko na yo. Liboso ya mala na yo. Yo pesa nguya. Yo pesa kinga ye molise. Ya kote ya kate na lo yembo. Moyo moye biyote solo mabongo na papa ngaina ye papa ngaina mele papa ngaina pusa sole kaina yo yo pesa guya yo pesa makasi ero mama yawe ika wana ngaye yo pesa guya yo pesa makasi Mais, dans toutes ces choses, nous sommes Christ et vainqueurs par dans celui qui nous a aimés. Romains 8. Tout le monde va vous dire que vous avez dit que vous avez dit que Nakuma Melio,